Prochain showcase, je me fais en claquette. Avec P9, je prends direct parquet. C'est pas demain que je vais dire j'arrête. C'est pas parce que je du buzz que je me l'empête. Je compte tous les traumatisés. Je me rappelle encore ce qu'ils disaient. Je t'ai créé que j'allais pas percer. Maintenant que j'ai percé, ils disent que je suis bizarre. Je cherche à acheter un permis bateau. Je vis pas dans un château. Rabote sur un bateau. Tu me verras pas toi. Pas casse, tube, gendarmerie. Charbon qui marche, armurerie. Je vois que ta maman elle est en Zara. Je vois que ta gagne à l'ambiance. Prends plus avec Val, on va se faire péter. Studio, le moins c'est DP. Et au studio, au moins c'est DP. Faire qui se mandate. Y'a plus des gains qui décrochent. Y'a plus des gains qui décrochent. Et là, ils sont où t'es. Ils t'avaient tout dit. Maintenant, toi, t'es douce. Ça veut t'être le vingt. Douce. J'ai un assassin. Bine. J'ai que le cerveau, j'm'abîme. Pourquoi tout pas en gym. J'ai un assassin. On sera bien votre cabine. Ta. C'est bon, vous êtes chaud. Ah, ils sont chauds, moi. C'est bon, c'est bon, je vois. Vous n'êtes pas venu pour rien ce soir. Je vois. Ah, ça fait deux ans. Ça fait deux ans, c'est normal, tout le monde en feu. Au pire. C'est tout, tout. C'est tout, tout, tout. C'est tout, tout, tout. Tout, tout, tout. C'est tout, tout, tout. C'est tout, tout, tout. C'est tout, tout, tout. Ah, la vérité. Ouais, merci. La vérité, vous êtes chaud patate. Comme j'ai vu que vous êtes chaud patate.